Voltaire, historien. Pour avoir un aperçu du genre littéraire qu'est l'histoire, Voltaire est incontournable par les œuvres d'histoire qu'il a écrites et par tel ou tel principe de base qu'il a posé. Ainsi, dans son article « Histoire » de son dictionnaire philosophique, il écrit « Il n'y a peut-être qu'une règle sûre, c'est de croire le bien qu'un historien de parti ose dire des héros de la faction contraire et le mal qu'il ose dire des chefs de la sienne dont il n'aura pas à se plaindre. Si les témoignages d'adversaires s'accordent, ils sont vrais. S'ils se contrarient, doutez. Et encore, toute certitude qui n'est pas une démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique.